un testament par lequel il instituait Claude sa légataire universelle, sous la condition qu'elle ne jouirait de cette fortune qu'à sa majorité ou à son mariage. Quand il s'était senti condamné, il n'avait pas davantage attendu trop tard pour dire à Ghislaine ce qu'il voulait qu'elle sût. Mais avec ce sentiment de prévenance qui avait toujours été sa règle, il l'avait fait de façon à ce qu'elle ne pût pas supposer qu'il se savait perdu. « Me voilà malade, ma chère petite. Et bien que j'ai l'espoir que ce n'est pas grièvement, j'ai une précaution à prendre, une recommandation à t'adresser que je ne veux pas différer. Si je devais partir, mais rassure-toi, je suis certain de ne pas partir, enfin si je partais, j'aurais cette suprême consolation de te laisser la plus heureuse des femmes, car tu ne t'imagines point, n'est-ce pas, qu'il en soit au monde de plus heureuse que toi. Certes non, mon bon oncle. Il serait donc absurde de prévoir que ce bonheur puisse être menacé un jour, et je ne le prévois pas, je te le jure. Mais comme il n'est que sage de prendre toutes les précautions, même contre l'impossible et l'invraisemblable, je t'avertis que si jamais tu te trouvais dans une position critique, j'étais posé chez notre notaire, maître le jeuneste de la Crochardière, des pièces qui pourraient te servir. » Déjà bouleversée, Ghislaine perdit contenance. « Il est revenu ? » murmura-t-elle. « Non, je te jure même que je ne sais pas s'il est encore vivant, malgré les recherches que j'ai fait faire. Car quand un artiste a disparu depuis plus de 8 ans, sans que personne ait entendu parler de lui, toutes les probabilités sont pour sa mort. Donc son retour n'est pas à craindre. Mais enfin, ayant aux mains une arme qui pourrait servir pour ta défense, je l'ai déposée chez notre notaire avec cette mention, pièce à remettre à Madame la Comtesse d'Unière si elle la réclame. Si cette réclamation n'a pas lieu, la brûler sans la lire après la mort de Madame d'Unière. Je suis sûre que cette réclamation n'aura jamais lieu. »